dur à m'éloigner de toi plus. Pensées impures te coupent bannies d'injures. Je changerai d'allure pour rester avec toi. Ne baguer mes nights, mais montrer mes bijoux. Je passerai mes piercings de lascar et tous mes tatouages. Toi de passer pour un sentimental, mais je plutôt que d'avoir mal. Mais je sais ma, que je peux tout changer ma, en vivant ma, à tes côtés. J'ai bon à aimer, mais sans tarder, ma, je me transformerai ma, en celui ma, dont tu as rêvé. Seul c'est que le temps guérira les tourments, les mots qui masquent l'entrée de ton jardin secret. No, I'm not.